Pêcheurs d'Islande. Quatrième partie. Chapitre 8. Ils furent mari et femme pendant 6 jours. En ce moment de départ, les choses d'Islande occupaient tout le monde. Des femmes de peine empilaient le sel pour la saumure dans les soutes des navires. Les hommes disposaient les gréements et Cheyenne, la mère, les sœurs travaillaient du matin au soir à préparer les surrois, les cirages, tout le trousseau de campagne. Le temps était sombre et la mère qui sentait l'équinoxe venir était remuante et troublée. Gaude subissait ces préparatifs inexorables avec angoisse, comptant les heures rapides des journées, attendant le soir où le travail fini, elle avait son Yann pour elle seule. Est-ce que les autres années, il partirait aussi? Elle espérait bien qu'elle saurait le retenir, mais elle n'osait pas dès maintenant lui en parler. Pourtant, il l'aimait bien lui aussi. Avec ses maîtresses d'avant, jamais il n'avait connu rien de pareil. Non, ceci était différent. C'était une tendresse si confiante et si fraîche que les mêmes baisers, les mêmes étreintes, avec elle étaient autre chose. Et chaque nuit, leurs deux ivresses d'amour allaient s'augmentant l'une par l'autre sans jamais s'assouvir quand le matin venait. Ce qui la charmait comme une surprise, c'était de le retrouver si doux, si enfant, ce Yann qu'elle avait vu quelquefois à Paimpol faire son grand dédaigneux avec des filles amoureuses. Avec elle, au contraire, il avait toujours cette même courtoisie qui semblait toute naturelle chez lui. Et elle adorait ce bon sourire qu'il lui faisait dès que leurs yeux se rencontraient. C'est que chez ces simples, il y a le sentiment, le respect inné de la majesté de l'épouse. Un abîme la sépare de l'amante, chose de plaisir, à qui dans un sourire de dédain, on a l'air ensuite de rejeter les baisers de la nuit. Gaude était l'épouse, elle, et dans le jour, il ne se souvenait plus de leurs caresses, qui semblaient ne pas compter, tant ils étaient une même chair tous deux et pour toute la vie. Inquiète, elle était beaucoup dans son bonheur, qui lui semblait quelque chose de trop inespéré, d'instable comme les rêves. D'abord, est-ce que ce serait bien durable chez Yann, cet amour? Parfois, elle se souvenait de ses maîtresses, de ses emportements, de ses aventures, et alors elle avait peur. Lui garderait-il toujours cette tendresse infinie avec ce respect si doux? Vraiment, 6 jours de mariage pour un amour comme le leur, ce n'était rien. Rien qu'un petit à-compte enfiévré pris sur le temps de l'existence qui pouvait encore être si long devant eux. À peine avaient-ils pu se parler, se voir, comprendre qu'ils s'appartenaient. Et tous leurs projets de vie ensemble, de joie tranquille, d'arrangement de ménage, avaient été forcément remis au retour. Oh, les autres années, à tout prix l'empêcher de repartir pour cette Islande. Mais comment s'y prendre? Et que ferait-il alors pour vivre, étant si peu riches l'un et l'autre? Et puis il aimait tant son métier de mère. Elle essaierait malgré tout les autres fois de le retenir. Elle y mettrait toute sa volonté, toute son intelligence et tout son cœur. Être femme d'Islandais, voir approcher tous les printemps avec tristesse, passer tous les étés dans l'anxiété douloureuse, non, à présent qu'elle l'adorait au-delà de ce qu'elle eût imaginé jamais, elle se sentait prise d'une épouvante trop grande en songeant à ses années à venir. Ils eurent une journée de printemps, une seule. C'était la veille de l'appareillage. On avait fini de mettre le gréement en ordre à bord et Yann resta tout le jour avec elle. Ils se promenèrent bras dessus, bras dessous, dans les chemins comme font les amoureux, très près l'un de l'autre, et se disant 1000 choses. Les bonnes gens souriants les regardaient passer. C'est Gaude avec le grand Yann de Portseven, des mariés d'hier. Un vrai printemps ce dernier jour. C'était particulier et étrange de voir tout d'un coup ce grand calme et plus un seul nuage dans ce ciel habituellement tourmenté. Le vent ne soufflait de nulle part. La mer s'était faite très douce. Elle était partout du même bleu pâle et restait tranquille. Le soleil brillait d'un grand éclat blanc et le rude pays breton s'imprégnait de cette lumière comme d'une chose fine et rare. Il semblait s'égayer et revivre jusque dans ses plus profonds lointains. L'air avait pris une tiédeur délicieuse sentant l'été, et on eût dit qu'il s'était immobilisé à jamais, qu'il ne pouvait plus y avoir de jours sombres ni de tempêtes. Les capes, les baies, sur lesquelles ne passaient plus les ombres changeantes des nuages, dessinaient au soleil leurs grandes lignes immuables. Ils paraissaient se reposer eux aussi, dans des tranquillités ne devant pas finir. Tout cela comme pour rendre plus douce et éternelle leur fête d'amour. Et on voyait déjà des fleurs hâtives, des primes verts le long des fossés ou des violettes frêles et sans parfum. Tangaude demandait « Combien de temps m'aimeras-tu, Yann ?» Lui répondait étonné en la regardant bien en face avec ses beaux yeux francs. « Mais Gaude, toujours !» Et ce mot dit très simplement par ses lèvres un peu sauvages semblait avoir là son vrai sens d'éternité. Elle s'appuyait à son bras. Dans l'enchantement du rêve accompli, elle se serrait contre lui, inquiète toujours, le sentant fugitif comme un grand oiseau de mer. Demain, l'envoler au large, et cette première fois il était trop tard, elle ne pouvait rien pour l'empêcher de partir. De ces chemins de falaise où il se promenait, on dominait tout ce pays marin qui paraissait être sans arbres, tapissé d'ajoncs ras et semé de pierres. Les maisons des pêcheurs étaient posées çà et là sur les rochers, avec leurs vieux murs de granit, leurs toits de chaume, très hauts et bossus, verdis par la pousse nouvelle des mousses. Et dans l'extrême éloignement, la mer, comme une grande vision diaphane, décrivait son cercle immense et éternel qui avait l'air de tout envelopper. Elle s'amusait à lui raconter les choses étonnantes et merveilleuses de ce Paris où elle avait habité, mais lui, très dédaigneux, ne s'y intéressait pas. « Si loin de la côte, disait-il, et tant de terre, ça doit être malsain, tant de maisons, tant de monde, il doit y avoir des mauvaises maladies dans ces villes. Non, je ne voudrais pas vivre là-dedans, moi, bien sûr. » Et elle souriait. S'étonnant de voir combien ce grand garçon était un enfant naïf. Quelquefois, il s'enfonçait dans ces replis du sol où poussent de vrais arbres qui ont l'air de s'y tenir blottis contre le vent du large. Là, il n'y avait plus de vue. Par terre, des feuilles mortes amoncelées et de l'humidité froide. Le chemin creux bordé d'ajoncs verts devenait sombre sous les branchages, puis se resserrait entre les murs de quelques hameaux noirs et solitaires, croulant de vieillesse, qui dormaient dans ce bas-fond. Et toujours quelques crucifix se dressaient bien haut devant eux, parmi les branches mortes avec son grand Christ de bois rongé comme un cadavre, grimaçant sa douleur sans fin. Ensuite, le sentier remontait et de nouveau, il dominait les horizons immenses. Il retrouvait l'air vivifiant des hauteurs et de la mer. Lui, à son tour, racontait l'Islande, les étés pâles et sans nuit, les soleils obliques qui ne se couchent jamais. Gaude ne comprenait pas bien et se faisait expliquer. « Le soleil fait le tour, tout le tour, » disait-il en promenant son bras étendu sur le cercle lointain des eaux bleues. Il reste toujours bien bas, parce que vois-tu, il n'a pas du tout de force pour monter. À minuit, il traîne un peu son bord dans la mer, mais tout de suite, il se relève et il continue de faire sa promenade ronde. Des fois, la lune aussi paraît à l'autre bout du ciel. Alors, ils travaillent tous deux, chacun de son bord, et on ne les connaît pas trop l'un de l'autre, car ils se ressemblent beaucoup dans ce pays. Voilà le soleil de minuit. Comme ça devait être loin, cette île d'Islande. Et les fjords. Gaude avait lu ce mot inscrit plusieurs fois parmi les noms des morts dans la chapelle des naufragés. Il lui faisait l'effet de désigner une chose sinistre. « Les fjords, répondait Yann, des grandes baies, comme ici, celle de Paimpol, par exemple. Seulement il y a autour des montagnes, si hautes, qu'on ne voit jamais où elles finissent, à cause des nuages qui sont dessus. » Un triste pays, va, Gaude, je t'assure. Des pierres, rien que des pierres. Et les gens de l'île ne connaissent point ce que c'est que les arbres. À la mi-août, quand notre pêche est finie, il est grand temps de repartir, car alors les nuits commencent, et elles allongent très vite. Le soleil tombe au-dessous de la terre sans pouvoir se relever et il fait nuit chez eux là-bas pendant tout l'hiver. Et puis, disait-il, il y a aussi un petit cimetière sur la côte, dans un fjord, tout comme chez nous, pour ceux du pays de Paimpol qui sont morts pendant les saisons de pêche ou qui sont disparus en mer. C'est en terre bénite aussi bien qu'à Porthaven, et les défunts ont des croix en bois, toutes pareilles à celles-ci, avec leur nom écrit dessus. Les deux Gwasdiou de Ploubazlanec sont là, et aussi Guillaume Moine, le grand-père de Sylvestre. Et elle croyait le voir, ce petit cimetière au pied des capes désolées, sous la pâle lumière rose de ces jours qui ne finissaient pas. Ensuite, elle songeait à ces mêmes morts sous la glace et sous le suaire noir de ces nuits longues comme les hivers. « tout le temps pêcher ?» demandait-elle, « sans se reposer jamais ?»« Tout le temps. Et puis il y a la manœuvre à faire, car la mer n'est pas toujours belle par là. Dame, on est fatigué le soir. Ça donne appétit pour souper, et des jours, l'on dévore. Et l'on ne s'ennuie jamais ?» Jamais, dit-il, avec un air de conviction qui lui fit mal. À bord, au large, moi, le temps ne dure pas. Jamais. Elle baissa la tête, se sentant plus triste, plus vaincue par la mer.